passé, présent, futur, le verre dans tous ses éclats. C'est une exposition proposée par la région Grand Est à l'occasion de l'année du verre, à découvrir jusqu'au 4 janvier prochain à l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. Jean-Louis Jeannin-Davier, commissaire d'exposition, nous présente l'univers, le cristal dans tous ses états. Il rappelle que le Grand Est connaît une histoire verrière d'exception. Une histoire verrière d'exception sur ces terres du Grand Est depuis à peu près 1300, puisque c'est là où vont s'implanter les premières petites entreprises d'exploitation de verre sur les terres du Grand Est, et particulièrement dans la région plus des Vosges. Le cristal, dans tous ses états, du nom de votre exposition, qu'est-ce que le public va y découvrir ? C'est un voyage à travers le temps, mais c'est aussi un voyage dans l'apogée du monde cristallier qui est le 19e siècle. On rentrera dans la restitution d'un atelier du 18e siècle issu de l'encyclopédie Diderot d'Alembert, et ça grâce aux verreries de Bayel. Et puis nous irons dans une forêt enchantée où nous découvrirons des pièces magiques prêtées par Baccarat, par Lalique, par Maisonthal. Et à l'intérieur de cette forêt enchantée, vous aurez des pointes de Saint-Louis aussi. Et puis nous avons un voyage dans une boutique restituée comme au 19e siècle. Nous voyagerons sous un sapin fait de boules de Maisonthal, un sapin inversé qui protégera une grande table festive de Noël entièrement dressée en cristal à côté d'un univers voué au parfum. Vous avez évoqué le 19e siècle, une période faste pour ces industriels en Grand Est. À l'époque, les maîtres verriers, avant d'être maîtres cristalliers, vont s'installer aux endroits les plus stratégiques. Puis on va installer des petits ateliers et petit à petit, il va y avoir une sédentarisation des entreprises. On aura toutes ces manufactures qui vont s'installer dans le creuset du territoire et ne plus en bouger et développer leur manufacture. Un secteur qui baigne dans le luxe et l'exception. D'une façon ou d'une autre, lorsque le verre va apparaître, c'est la transparence, c'est un contenant, c'est un matériau excessivement fragile. Il va falloir mettre en place toutes sortes de process pour le stabiliser, pour le recuire, puis le tailler, puis le décorer, puis le colorer. Et donc ça, c'est un principe de recherche pour aller vers le luxe. Découvrez cette exposition exceptionnelle dans le cadre de l'année du verre, tous les jours, sauf les mardis, de 10h à midi et de 13h30 à 18h en entrée libre, abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. Plus d'infos sur anneduvert.grandest.fr, une production des radios associatives avec le soutien de la région Grand Est.